down with you, Tava. J'essaye Philippe le, hein, la croix là, mais je sais pas comment tu fais toi. J'arrive pas à faire avec la croix. Ah ça y est. I'm a tell the heart in summer. We don't tell in summer. We don't know the way. You are on a crimson dawn. And west of I, until we know the end. I'll bet each other on each other. Watching out and paint another. Avec un doigt abîmé. 1, 2, 3, 4. We're sleeping on the eye that you on our hair. Up to the other home to be on to. I didn't feel it. C'est ce bruit qui s'arrête tout seul. Ah, il faut les partir. Ils font 32. Eh merde. Eh merde. Eh merde. Eh merde. Allez, bon app.

Pas mal ce riff là. Est-ce que t'as le tempo? Everybody's got some time. Par contre, je sais pas si c'est ma tonalité, moi. Everybody, c'était quoi? Comment c'est? Change your mind. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your mind. C'est vachement aigu en fait. Everybody's gonna. Attends, j'avais. Ah, pardon, j'ai pas voté. C'est bon ? Attends, faut voter. J'étais en train de regarder les paroles. Je pose ma basse. Thank you. Ouais, c'est pas grave, on fait Hello. Ça va être dur de mettre ça ici. Attends, vas-y. Si, on peut. C'est combien de mesures? Attends. Vas-y, fais-le pour. Non, mais c'est bon la tonalité. De voter, essaye de mettre ça en 64 toi. Elle était en train de bosser. C'est ça? Everybody gotta learn sometime. C'est toujours les mêmes paroles en fait. Look around you. Change your heart, it will understand you. I need, On peut pas faire I need your love. C'est vachement aigu, putain. Je pensais pas que c'était si aigu. Tu peux pas changer la tonalité, toi? Change your heart, look around you. I need your loving like the sunshine. T'as plus de son. T'es plus là? Change your heart, look around. I need your money. Ok. Everybody got a land. Je suis dur en anglais. Everybody got a land something. My flower are beautiful. C'est pas grave, j'aime bien cette chanson. Moi, je t'entends plus, moi. Salut. Change your heart. Look at all. Ouais, attends, on va se mettre sur 16. Ouais. Oui, ça y est, c'est bon. Attends, tu vois. J'aime bien le lac. Les chanteurs, ils sont chiens. En fait, ça fait un refrain. Le couplet plus haut et le refrain c'est plus bas. Donc du coup, on est plus à l'aise. Everybody. Ouais. En 64. On verra peut-être que j'ai... C'est vrai que c'était peut-être joli en original, quoi. Mais... Ah, c'est parti.